Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Canal de Suez. C'est une artère commerciale indispensable pour les économies européennes, ce que l'on a longtemps appelé la route des Indes. Un passage presque obligé pour toutes les marchandises, pétrole compris, qui transitent de l'Est vers l'Ouest. Un seul chiffre. 1,5 million de barils de brut sont transportés chaque jour sur les eaux du canal. Et une raison supplémentaire pour les grandes puissances de surveiller de très près les événements égyptiens. Car dans le passé, à deux reprises, des crises régionales ont affecté la circulation sur le canal. En 1967, bien sûr, à l'issue de la guerre des Six Jours qui a entraîné sa fermeture pendant 8 longues années. Mais aussi en 1956, lorsque le colonel Nasser a soudain décidé de nationaliser le canal au détriment de la compagnie anglo-française qui en assurait la gestion. Une affaire dont tous les mystères n'ont pas encore aujourd'hui était entièrement dissipé. Monsieur X revient donc sur cette importante crise internationale dont on a pu craindre un moment qu'elle débouche sur le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Quels étaient donc les enjeux secrets qui ont incité Français et Britanniques à intervenir militairement en Égypte au risque de provoquer une conflagration internationale? Réponse dans un instant. عمره ما دا. Du côté occidental, les dirigeants français et britanniques ont été littéralement obsédés par le maintien du secret sur toutes les tractations diplomatiques qui ont précédé l'opération de Suez, c'est-à-dire l'expédition militaire de novembre 1956. Alors, comme s'ils avaient des choses à cacher. Quoi. Exactement, car rien n'a vraiment été clair dans cette affaire. C'est si vrai qu'un important document n'a été retrouvé que récemment. Et un peu par hasard, le jour où la veuve de l'un de ses responsables, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Christian Pinault, on a retrouvé dans un grenier une grande enveloppe où figuraient ces quelques mots. En cas d'accident, remettre personnellement ce dossier à Guy Mollet. En cas d'impossibilité, le détruire. Guy Mollet, enfin, il faut le rappeler, a été le président du Conseil en 1956. Oui, l'équivalent du Premier ministre de la Ve République. Mais un Premier ministre qui, sous la IVe République, avait beaucoup plus de pouvoir que le président lui-même. Alors, qu'y avait-il dans cette précieuse enveloppe ? Bon, écoutez, un petit peu de patience, car c'est une très longue histoire. Et donc, l'un des secrets les mieux gardés de l'affaire de Suez. Auparavant, il me faut vous dire que dans la chronologie de l'après-Seconde Guerre mondiale, 1956 occupe une place toute particulière. C'est une année terrible. L'année donc de la nationalisation du canal de Suez et de l'expédition franco-britannique de Suez. Mais aussi celle de l'insurrection de Budapest. Et donc de l'écrasement de la révolution hongroise par les chars soviétiques. Enfin, c'est une année sanglante en Algérie où devant les progrès de la rébellion, le gouvernement de Guy Mollet s'est décidé à rappeler des classes du contingent déjà démobilisé. Mmh. Et 56, c'est une année bissextile. Il y a donc des élections présidentielles aux États-Unis. Hein. Ike Eisenhower est candidat à sa propre succession. Ça explique en partie son attitude lors des affaires hongroises et égyptiennes. Ouais, le désir de ne pas s'impliquer outre mesure. Oui, au moins dans un premier temps. Mais nous le verrons, en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, par où on commence, là ? Une donnée fondamentale, d'abord. L'Égypte a longtemps été un protectorat britannique. Et malgré l'indépendance acquise en 1936, des troupes de l'ancien colonisateur demeureront stationnées dans la zone du canal de Suez jusqu'en février 1956. Alors même que les officiers libres, hein, comme ils s'appellent, ont chassé le roi Farouk dès 1952. Et en 1954, Gamal Abdel Nasser écarte son compagnon d'armes, le général Naguib, et s'assure de la plénitude du pouvoir. Mmh. Oui. Le nouveau régime se réclame du socialisme. Mais un socialisme autoritaire avec un régime de parti unique. De Nasser qui dispose donc des pleins pouvoirs, nationalise, promeut une réforme agraire et amorce une politique d'industrialisation du pays. Ouais. Un pays qui est alors très très sous-développé. Oui, et en même temps Nasser joue à fond la carte du nationalisme arabe. Il en deviendra même le champion. Surtout après la crise de Suez qui, paradoxalement, rehaussera son prestige malgré les défaites militaires qu'il subira. Je reviens à ce que je disais. En 1956, les troupes britanniques doivent donc quitter l'Égypte. Et ce n'est pas de gaieté de cœur. Oui, parce qu'effectivement, Londres n'a plus la capacité militaire de contrôler le canal. Et aussi parce que la fin de la présence britannique est un nouvel arrachement pour Londres, qui voit ses protectorats et colonies lui échapper peu à peu. À cela s'ajoute le fait que le Premier ministre conservateur, Sir Anthony Eden, est persuadé que le colonel Nasser est un homme de Moscou. Et c'est la guerre froide, je vous le rappelle. D'où lui vient cette conviction-là ? De ses services secrets extérieurs. Le MI6. En effet, ouais. Le service britannique possède là-bas un agent qui entretient Londres dans cette idée. Ouais. Mais était-ce vrai ? Non. Non, il est vraisemblable que le Premier ministre anglais est alors victime d'une tentative d'intoxication par ses propres services. C'est d'autant plus facile qu'Eden n'éprouve aucune sympathie pour Nasser. Il va donc encourager ses services secrets à mettre au point un plan visant ni plus ni moins à éliminer Nasser. Physiquement ? Bien sûr. Alors comment ça se traduit ? Il y aura plusieurs tentatives d'assassinat, mais elles échoueront. Et curieusement, les services français, le SDEC en l'occurrence, se trouvent sur la même longueur d'onde. Oui, mais nous, c'est à cause de la guerre d'Algérie. Évidemment, Nasser est alors le principal soutien des rebelles algériens. Non seulement il accueille leurs organisations et leur offre l'hospitalité sur les ondes de sa radio, mais il est certain qu'il leur apporte un soutien matériel de plus en plus important. Mais de quelle façon ? En les armant. Et très vite, pour le SDEC, le colonel Nasser devient une cible. Une cible, alors, c'est-à-dire que les Français, comme les Britanniques, envisagent de l'éliminer. Certainement. Et y a-t-il eu, effectivement, à votre connaissance, des tentatives d'assassinat ? Plusieurs, oui. Racontez, alors. D'abord, les agents français ont manipulé les ennemis les plus déterminés de Nasser, les frères musulmans. Ouais, des intégristes, des islamistes dont on parle beaucoup aujourd'hui. Hein. Et qui avaient, dès 1954, essayé d'assassiner le colonel Nasser. Donc, il était tentant de se servir d'eux, puisqu'ils étaient bien implantés dans le pays, malgré la répression qui s'était abattue sur leur mouvement. Et ce sont des islamistes, pas les frères musulmans, mais des islamistes, qui beaucoup plus tard assassineront le successeur de Nasser, Anwar el-Sadat. Hein. En 1981, oui. Quoi qu'il en soit, à l'époque qui nous intéresse, les services français disposaient d'un joker encore plus intéressant. Ah, c'est quoi ça ? Un officier égyptien, très proche de Gamal Abdel Nasser. Et donc un informateur du SDEC ? Et vous verrez que cet homme jouera aussi ultérieurement un rôle très important. En tout cas, cet officier félon approchait quotidiennement le Reis, comme on l'appelait désormais, c'est-à-dire le chef suprême. Par conséquent, il lui était possible d'agir directement. Et de tuer lui-même Nasser ? Bien sûr. Mmh. Et quel était le plan prévu alors ? Les services avaient préparé un poison, mais un poison qui avait un grave défaut. Quoi ? Il devait être versé dans une boisson chaude et très sucrée en raison de son amertume. Et dans le café, par exemple, il risquait de ne pas passer inaperçu. Et puis, j'imagine que comme la plupart des Égyptiens, Nasser buvait surtout du café. Oui, il aurait fallu, pour que la tentative réussisse, que le poisson soit versé dans du lait ou du cacao, par exemple. Malheureusement, le Reis ne buvait pas de cacao. Et la tentative d'empoisonnement en est restée là. Mmh. Échec pour le steak, donc. Et il ne cessera d'échouer. Ah oui, parce qu'il y aura d'autres tentatives. Naturellement, quand un service secret est chargé de s'attaquer à une cible de cette importance, il ne renonce pas facilement. Mais comment expliquez-vous enfin, tous ces échecs ? Des échecs qu'il faut d'ailleurs rapprocher de ceux qu'ont connus les Britanniques. Nasser avait une très bonne police et des services de renseignement efficaces. Et peu à peu, il a réussi à éliminer les agents que les Français avaient pu recruter en Égypte. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que lorsque le dirigeant égyptien se rapprochera de Moscou, le KGB va lui donner un sérieux coup de main pour assurer sa protection. Alors bon, refermons cette longue parenthèse. La priorité de Nasser, dès la prise de pouvoir en 1954, c'est donc de sortir l'Égypte du sous-développement. Et il nourrit un grand projet. Ah oui, le barrage d'Assouan. Oui, un barrage colossal qui devrait barrer la vallée du Nil à hauteur d'Assouan et dont l'eau pourrait irriguer des centaines de milliers d'hectares arrachés au désert. Sans compter, bien sûr, les ressources électriques qui en découleront. C'est plus qu'un rêve pour cet homme originaire d'une famille très modeste et qui connaît la misère des paysans égyptiens. Mais il y a le coût. Ah ben énorme. Des centaines de millions de dollars. Il est clair que l'Égypte est incapable de financer toute seule la construction d'un tel ouvrage. Il faut donc trouver de l'argent à l'étranger. Bien sûr. Et Nasser se tourne vers l'Occident. Avant même de penser au camp de l'Est. Oui, et c'est une décision assez courageuse. Et pourquoi courageuse ? Parce que dans la classe politique égyptienne, on n'est pas franchement favorable aux Occidentaux assimilé à des impérialistes et à des colonialistes. Mais Nasser ne cède pas. Et il fait principalement appel aux États-Unis afin d'obtenir un prêt. Mais Washington, après avoir laissé miroiter une réponse positive, va reposer un refus cinglant à Nasser. Et du même coup, sans l'avoir prévu, les Américains vont ouvrir une crise très grave. Rendez-vous avec X. Qu'en est-il de cette tentative d'assassinat perpétrée par les services français et britanniques ? Voici ce qu'on lit dans le célèbre livre de Roger Faligot et Pascal Krop, La piscine. Extrait. Jusqu'à la fin 1957, lorsque le général Grossin en prendra la tête, le SDEC renouvelle, sans désemparer, ses opérations contre Nasser. Oui, il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat visant le Raïs, en liaison avec d'autres pays, notamment avec la complicité des frères musulmans, se souvient l'un des responsables du service Action. En 1957, l'une d'entre elles a été exclusivement réalisée par les Français. Deux agents furent déposés par bateau muni d'une bombe. Mais le chef de mission s'est rendu compte qu'ils étaient suivis. Autant dire qu'ils ont dû renoncer. Et Serrés de trop près, ils ne savaient plus comment se débarrasser de leur explosif. Pourquoi les États-Unis ont-ils refusé de venir en aide à l'Égypte ? En fait, pour être tout à fait précis, ce ne sont pas les Américains directement qui ont été sollicités, mais la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Une banque où les trois Occidentaux, États-Unis, Grande-Bretagne et France, faisaient la pluie et le beau temps. Or, pour les raisons que je vous ai expliquées, ces deux derniers pays étaient très hostiles à l'Égypte. Mais les États-Unis avaient quand même, j'imagine en tout cas, les moyens de passer outre à ces deux oppositions. Très certainement. Mais en Amérique, il existait un puissant lobby des producteurs de coton. Un lobby qui voyait d'un très mauvais œil l'Égypte devenir un concurrent commercial grâce à l'irrigation des terres. D'autant que le coton égyptien jouissait déjà d'une excellente réputation. Mais il y avait aussi une autre raison, et sans doute la plus importante. Expliquez. Nasser, tout en s'adressant à l'Occident pour financer son barrage, avait de fait commencé à flirter avec l'URSS. De quelle façon flirter? D'abord en achetant des armes à l'Est, en Tchécoslovaquie, puis en multipliant les contacts avec les Soviétiques. Oui, mais l'Égypte, si je me souviens bien, fait alors partie des pays non alignés. Et Nasser essaie de se tenir à mi-chemin entre l'Est et l'Ouest, oui. Pour Washington, c'est insuffisant. On est pour ou on est contre. Ouais. La guerre froide, toujours. Et lorsque le Reich a fait sa demande de prêt, les Américains lui ont très clairement dit qu'il lui fallait d'abord cesser de faire les yeux doux à Moscou. Moscou qui a déjà fait savoir que l'URSS était prête à venir en aide à l'Égypte. Financièrement? Oui. Alors l'attitude américaine s'apparente à une sorte de chantage? Ah ben on peut voir les choses comme ça. En fait, Washington a tenté un coup de poker pour obtenir le ralliement du Reich au camp occidental. Mais Nasser n'a pas fléchi. Et quand Nasser a appris de façon un peu cavalière par la radio que les Américains refusaient le prêt en arguant de la situation instable de l'économie égyptienne et de l'instabilité du régime, bah il a pris ça comme une gifle. Et il a immédiatement réagi. Ah oui, en nationalisant le canal de Suez. Une nationalisation symbolique et économique. Car en percevant les droits de passage des cargos qui empruntent le canal, Nasser pouvait espérer financer une partie de la construction de son barrage. Oui, il fallait quand même l'aide indispensable des Russes. Ici, une anecdote, si vous permettez. Nasser, vous le savez sans doute, était l'homme des grands discours enflammés et patriotiques. Et c'est au cours de l'une de ses allocutions, en juillet 1956, prononcée à Alexandrie devant une foule énorme, qu'il a donné indirectement le feu vert à la nationalisation. Mais soyez plus précis, là. Un petit commando était prêt à investir les bâtiments de la direction du canal. Ces hommes devaient agir lorsque Nasser prononcerait un mot clé dans son discours qui était radiodiffusé. Et ce mot ? Ah ben, ça ne s'invente pas. C'était l'ESSEP. Ah oui, l'inventeur du canal. Oui, pour être bien compris, Nasser l'a répété à de nombreuses reprises. Alors si je vous ai bien compris, là, au fond, c'est Washington qui a précipité Nasser dans les bras des Soviétiques. Eh oui, c'est la vérité. Je me souviens qu'à l'époque, les puissances occidentales ont réagi de façon très violente à l'annonce de cette nationalisation. Et d'abord la Grande-Bretagne et la France. Parce que c'était des Français et des Anglais qui avaient la haute main sur les destinées de la compagnie du canal de Suez. Les deux pays ont donc crié à la spoliation. Des hommes politiques habituellement modérés des deux côtés du Channel ont même traité Nasser de nouveau Hitler. Et ils ont appelé Munich. Il ne fallait surtout pas céder. Mais attendez, c'était d'abord des intérêts économiques qui étaient en jeu. Naturellement. Le canal de Suez était indispensable à l'approvisionnement en pétrole des deux pays. Si les pétroliers, en provenance du Golfe, n'empruntaient pas le canal, ils devaient faire le grand tour de l'Afrique. Et c'est pourquoi les Français et Britanniques ont aussitôt parlé d'un coup de force inacceptable. Et juridiquement, quel était le problème ? La compagnie du canal de Suez disposait d'une concession jusqu'en 1968. Oui, mais l'Égypte, pays souverain, avait le droit de nationaliser à condition de dédommager les actionnaires. Ah ben Nasser n'entendait pas les choses ainsi. Pour lui, le canal était la propriété du peuple égyptien. Et d'une certaine façon, il entendait montrer la voie à tous les autres pays du tiers-monde, dont les richesses étaient exploitées par des sociétés capitalistes étrangères. Et c'est en ce sens que la nationalisation était symbolique. J'imagine que sur le plan intérieur, Gamal Abdel Nasser a dû y gagner une formidable popularité. L'Égypte tout entière a applaudi. C'était des centaines d'années d'humiliation, d'occupation par des puissances étrangères qui étaient soudain effacées. Nasser devenait un nouveau pharaon. Est-ce que les Français et les Anglais ont immédiatement décidé de réagir par la force ? Assez vite. Les états-majors des deux pays ont étudié cette possibilité. Politiquement, malgré les rodomontades et les insultes dont on a accablé le Reis, ça a été bien différent. Pour quelle raison ? Parce que les intérêts de la France et de la Grande-Bretagne n'étaient pas les mêmes. Il faut m'expliquer, là. Les Anglais étaient bien sûr très attachés à la libre circulation sur le canal. Mais d'un autre côté, ils ne voulaient pas compromettre les liens privilégiés qu'ils entretenaient avec le monde arabe. Des liens qui étaient encore bien souvent des liens de suggestion. En Irak ou en Jordanie, les Britanniques avaient gardé toute leur influence. Par conséquent, ils n'étaient pas très chauds pour intervenir militairement en Égypte. Vous avez parfaitement compris. Et avant d'en venir à la force, Londres a d'abord imaginé des mesures de rétorsion. Par exemple ? D'abord le gel de certains avoirs égyptiens à l'étranger. Ensuite, le départ des pilotes du canal. C'était tous des Européens. En l'absence de ces hommes d'expérience, les dirigeants de la compagnie de Suez étaient certains que les Égyptiens seraient incapables d'assurer la circulation des bâtiments sur le canal. Ouais, la supériorité technique de l'homme blanc. Oui, il y avait de ça. Mais ils se sont lourdement trompés. C'est-à-dire ? Eh bien, les Égyptiens ont réussi à former en un temps record des pilotes. Et la circulation n'a pas été interrompue. Et la position de la France ? À l'époque, notre pays n'avait pas d'attache particulière avec les pays arabes, à l'exception du Liban. Mais surtout, nous avions un objectif primordial. Nous voulions nous débarrasser de Nasser. Et une expédition militaire en Égypte nous fournirait peut-être le moyen d'en finir avec ce petit Hitler, comme on l'écrivait tous les jours dans la presse. Oui, à cause du soutien égyptien aux rebelles algériens. Essentiellement. C'était la situation en Algérie qui obnubilait le gouvernement français. Guy Mollet était persuadé que si Nasser était éliminé, ou même simplement chassé du pouvoir, la question algérienne prendrait une toute autre tournure. Parce que les dirigeants du FLN perdraient leur principal allié. Et il lui serait plus facile de négocier avec eux, oui. Parce qu'ils seraient moins intransigeants. Il faut d'ailleurs observer que les socialistes français avaient déjà essayé d'établir des contacts avec les insurgés algériens. Mais pour Guy Mollet et ses amis, il y avait autre chose. Mais c'est quoi, alors ? Israël. Les Français entretenaient alors des liens privilégiés avec l'État hébreu. Israël jouissait d'une image très positive dans l'opinion publique. Et c'était aussi le pays où avaient trouvé refuge les rescapés des camps de la mort. Pas seulement. Parce qu'il faut bien dire que, en ces années-là, aussi étonnant que cela paraisse, on ne parlait guère de la Shoah. Non, c'était surtout parce qu'Israël, pays neuf, donnait l'exemple d'une expérimentation sociale audacieuse. Les kibbutz ? Oui. Au fond, c'était la collectivisation sans le communisme. Et la gauche française au pouvoir regardait cela avec sympathie. Or, et c'est là où je voulais en venir, à Paris, on était persuadé que tôt ou tard, les pays arabes, à commencer par l'Égypte de Nasser, attaqueraient Israël. Et le coup de force de Nasser sur le canal ferait un prétexte idéal pour prévenir cette attaque. Et passer à l'offensive. On pouvait ainsi faire coup double, protéger Israël et en même temps éliminer le principal allié des rebelles algériens. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. Nasser égale Hitler. C'est, comme l'a dit M. X, ce que l'on lisait presque quotidiennement dans la presse de l'époque. Et de rappeler opportunément que Nasser, avant-guerre, avait appartenu à un parti de type fasciste, les chemises bleues. D'autre part, pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui allaient plus tard s'appeler les officiers libres avaient souvent manifesté leur sympathie à l'égard du Troisième Reich. Car pour eux, Hitler était d'abord celui qui combattait les impérialistes britanniques. Contre-expertise avec un journaliste qui a bien connu Nasser, Jean Lacouture, dans son livre intitulé « Mes héros et nos monstres ». L'organisation créée par lui en 1953 pour muscler son pouvoir, le Rassemblement de la Libération, n'était guère plus fasciste que le RPF de Charles de Gaulle, et le régime, ni noir, ni rouge, ni brun, était surtout kaki, couleur des uniformes. Mais les services secrets surpuissants, des procédures fort peu démocratiques, des élections truquées, une presse brutalement contrôlée, faisaient vivre l'Égypte hors des normes démocratiques. Et l'idéologie pan-arabe qui inspirait sa diplomatie était grosse de conflits et de violences, ne serait-ce qu'à l'égard d'Israël. Régime totalitaire, non. Mais imprégné d'un socialisme autoritaire qui ne pouvait manquer de conduire à des affrontements redoutables. On le voit aujourd'hui. Donc Paris est aussi hostile à Nasser en raison de sa sympathie pour Israël, la sympathie française pour Israël, et Londres. Non. Ben, les Anglais se méfiaient des Israéliens. Et pour dire les choses franchement, ils leur étaient même carrément hostiles. Ouais, à cause de leurs alliances arabes, donc également, également parce que les Britanniques avaient du mal à oublier que l'indépendance israélienne s'était faite contre eux, et d'une façon sanglante, puisque les terroristes juifs de l'Irgun avaient frappé très fort pour les obliger à quitter la Palestine. Toutefois, il était évident que dans cette crise de Suez, la question israélienne était omniprésente. Londres et Paris ne partageant pas les mêmes vues sur Israël, cela augurait très mal d'une alliance franche et chaleureuse entre la France et la Grande-Bretagne dans cette affaire. Et pour y parvenir, à de nombreuses reprises, les Français devront incontestablement forcer la main des Anglais. Mais on ne peut pas réellement compter sur un allié qui va au combat à coups de pied dans le derrière. Et la France le paiera très cher. Vous pensez que c'est l'une des explications de l'échec relatif de l'expédition de Suez ? Incontestablement. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Pourtant, attendez, vous m'avez dit que Anthony Eden était très hostile à Nasser. À titre personnel, oui. Mais il devait aussi tenir compte de l'opinion et d'une opposition travailliste qui ne voulait pas entendre parler d'une action armée contre l'Égypte. Et les Américains, alors ? Oh ben pour eux, le canal de Suez était très très loin. Et il n'avait pas une grande importance économique, car leur approvisionnement pétrolier dépendait très peu de la libre circulation sur le canal. Par conséquent, les États-Unis n'étaient nullement prêts à soutenir une éventuelle intervention militaire franco-anglaise. Et pourtant, les trois pays appartenaient quand même à la même alliance militaire, l'OTAN. Eh bien sûr. Mais au mieux, la France et la Grande-Bretagne, si elles se décidaient à intervenir, pouvaient tout juste compter sur une neutralité bienveillante des États-Unis, mais pas plus. Faut pas oublier que le président Eisenhower était candidat à sa propre succession. Et en cette année électorale, il n'avait pas très envie de se mêler d'une affaire aussi risquée et compliquée. Ouais, d'autant que l'URSS risquait de ne pas demeurer passive. Ah, exactement. Et dans le cas d'une menace de Moscou, Washington ne voulait pas se trouver obligé de faire valoir que Londres et Paris étaient à l'abri de son bouclier nucléaire. Ouais, au fond, l'affaire de Suez ne le méritait pas. Donc, Eisenhower ne voulait pas se mouiller, hein, pour parler vulgairement. C'est cela, même si les choses étaient un peu plus compliquées. Que voulez-vous dire, là ? Eh bien, disons-le de façon abrupte, certains aux États-Unis ne devaient certainement pas être mécontents de nous voir nous embourber dans cette affaire du canal. Qui, alors ? Ben, il y avait outre-Atlantique depuis Roosevelt, des turiféraires de l'anticolonialisme. Ils n'étaient pas seulement par idéalisme, non, ils désiraient simplement que les anciennes puissances coloniales laissent la place. des gens qui, par ailleurs, étaient liés au lobby arabo-pétrolier. Et ils avaient donc de très bonnes raisons pour préserver leurs intérêts au Proche et Moyen-Orient et d'encourager le panaramisme d'un Nasser. Et peut-être même la rébellion algérienne. Bien entendu. C'était aussi le sentiment du président Eisenhower ? Oui. Tout à son élection, il se présentait dorénavant comme l'apôtre de la paix, le chantre de la non-violence. Mais en réalité, il ne pouvait pas ignorer le jeu souterrain de ses lobbies. En tout cas, vous le voyez, l'affaire nous ramène tout naturellement à l'Algérie. L'Algérie qui était l'obsession du gouvernement de Guy Mollet. Et si je comprends bien alors, en voulant intervenir militairement en Égypte, dans une certaine mesure, c'était la guerre d'Algérie qu'on poursuivait. Évidemment, mais il fallait préparer l'opinion. Vous m'avez dit qu'elle était, l'opinion, majoritairement hostile à Nasser. Certes, et pour convaincre les plus tièdes et aussi pour faire monter la pression, au SDEC, on a donné opportunément un petit coup de pouce au destin. Vous vous souvenez de cet officier égyptien dont je vous ai parlé ? Oui, celui qui devait empoisonner Nasser. Oui, les services n'avaient jamais perdu le contact avec lui. Et son officier traitant lui a donné pour mission de surveiller tout particulièrement l'aide matérielle que Nasser fournissait au FLN algérien. Les livraisons d'armes. Hein. Et il était essentiel de mettre en lumière cette aide, d'en donner des preuves. Afin de justifier aussi l'intervention militaire en Égypte. Et une intervention qui avait déjà été préparée et planifiée de conserve avec les Britanniques. Et il avait été décidé que le commandement serait anglais. Ah, pourquoi ça ? Parce que les Britanniques connaissaient mieux le terrain. Ouais, qu'ils n'avaient quitté, c'est vrai, qu'en 56. Hein. En réalité, cette concession française avait surtout pour objectif de tout faire pour que les troupes britanniques participent à cette initiative. Les militaires avaient appelé ça l'opération mousquetaire. Alors bon, je reviens à mon propos. Soudain, début octobre, cet officier égyptien qui collabore avec nos services fait savoir qu'il dispose d'une information de premier ordre. Mais, contre la livraison de ce tuyau, il veut de l'argent, beaucoup d'argent, des dizaines de millions. Ben, ce qui signifiait que son information était vraiment très intéressante. Hein. Il s'agissait en effet de livraison d'armes aux rebelles algériens. Mais l'homme, qui était particulièrement vénal, ne voulait rien dire avant d'avoir vu la couleur de l'argent. Toutefois, une telle somme, elle ne se trouve pas aisément. Oui, c'était des millions en anciens francs, il faut le rappeler. Et les fonds secrets, alors ? Les fonds secrets, oui. Mais pour débloquer une somme de cette importance, il faut un feu vert ministériel. Or, à cette époque, le gouvernement avait plutôt tendance à serrer les cordons de la bourse. En outre, Guy Mollet, qui traitait personnellement l'affaire de Suez, sans informer la totalité des membres du cabinet, exigeait le plus grand secret. Alors comment faire ? Eh bien, le patron du SDEC va voir le ministre qui est le plus susceptible de l'entendre, Robert Lacoste. Un socialiste, mais qui est alors le ministre résident en Algérie. Hein. Oui, et Lacoste, bien que socialiste, fait partie de l'aile dure du gouvernement. Il est à la fois partisan d'une guerre à outrance contre le FLN et d'une intervention contre Nasser. Par conséquent, le SDEC trouve chez lui une oreille attentive. Et Lacoste prend sur lui de débloquer l'argent. Une somme qui doit transiter par un compte à l'étranger ? Naturellement, il n'était pas question de payer cet informateur en Égypte. Et lorsqu'il a la certitude qu'il allait être payé, cet officier l'a parlé ? Bien sûr. Alors, que révèle-t-il ? Il informe les services que dans le port d'Alexandrie, des militaires égyptiens vont charger des caisses d'armes sur un ancien dragueur de mines, Latos, appartenant à un armateur soudanais. Et il y en a une quantité considérable, plus de 120 tonnes, pour une valeur estimée plus tard à 400 millions de francs. Ouais. Et toutes ces armes étaient destinées au FLN ? Selon toute vraisemblance, oui. D'ailleurs, parmi les membres de l'équipage de Latos, il y a des Algériens, donc c'est clair. Et sait-on où ce bateau doit décharger sa cargaison ? Oui, les informations de l'officier égyptien sont extraordinairement précises. Latos doit se diriger vers un port de l'ancien Maroc espagnol, près de Nador, c'est-à-dire très près de la frontière algérienne. Là, les armes seront déchargées sous l'œil bienveillant des autorités marocaines. Mais l'important n'est pas là. Ce qui compte, c'est que ce bateau va devoir passer au large de l'Algérie. Oui, mais pas dans les eaux territoriales françaises. Ah, naturellement. Enfin, peu importe. Le SDEC est décidé à agir même au mépris des lois internationales, tant l'affaire semble d'importance. Car la collusion de Nasser avec les rebelles algériens sera définitivement prouvée. Et ça donnera des arguments supplémentaires à tous ceux qui désirent en découdre militairement avec le dictateur égyptien. Comment ça se passe, hein ? Oh, le plus simplement du monde. Grâce aux informations très précises de l'espion égyptien, il est relativement facile de pister Latos. Et lorsque le bateau passe au large d'Alger, un bâtiment de la Marine nationale, la raison. Ouais, il n'y a pas eu de riposte. Non, l'affaire a été vite réglée. Et l'armateur soudanais qui se trouvait à bord n'a même pas eu le temps d'actionner le dispositif de destruction du bateau. Autre point essentiel, à bord du bateau se trouvaient des militaires égyptiens. D'ailleurs, le capitaine et l'armateur soudanais ont reconnu que la cargaison d'armes a bien été chargée à Alexandrie. Ça veut dire que Nasser pouvait être mis en cause. Et c'était là le point principal pour les instigateurs de cette opération. De la même façon, ils ont pu démontrer assez aisément que cet armateur soudanais n'était qu'un faux-né. En réalité, le véritable propriétaire de ce bateau, c'était l'État égyptien. L'arraisonnement qui a eu lieu dans les eaux internationales a donc forcément été autorisé par Paris. Au plus haut niveau, oui. Car ça ne pouvait que réjouir le gouvernement de Guy Mollet qui voulait à tout prix attaquer Nasser. Et on a faim d'ignorer que l'affaire avait été traitée hors hiérarchie. Et en court-circuitant même certaines autorités gouvernementales. Exactement. Et bientôt, un peu plus d'une semaine après l'arraisonnement de Latos, ces mêmes instigateurs vont récidiver et mettre une nouvelle fois le gouvernement devant le fait accompli. Enfin, quand je dis le gouvernement, je ne parle que des ministres qui ne sont pas dans le secret. Un mot encore. Dans une interview à la revue L'Histoire, la grande historienne de la 4e République, Georgette Elgey, analyse l'attitude de Guy Mollet au moment de cette crise de 1956. Voici ce qu'elle affirme. Pour lui, Nasser est un nouvel Hitler attaché à sa proie, la destruction du peuple juif. Il a ressenti un choc à la lecture du livre publié par l'Égyptien au moment de son accession au pouvoir, « La philosophie de la révolution ». Il voit dans cet ouvrage un nouveau « Mein Kampf ». Il le dit à Anthony Eden dès mars 1956. « Toute la politique de Nasser est contenue dans ce livre comme celle d'Hitler l'était dans « Mein Kampf ». Laisser agir Nasser, ce serait recommencer l'erreur fatale des démocraties devant Hitler. L'abattre est donc un devoir. Il faut aussi sauver Israël, cette démocratie socialiste, ce symbole. Guy Mollet, comme de nombreux socialistes, espère qu'Israël va réussir là où Moscou a échoué en 1917, en édifiant la société socialiste, égalitaire et libre. Le rêve de toujours.